Deutéronome chapitre 7. Quand l'Éternel, ton Dieu t'aura fait entrer au pays où tu vas entrer pour le posséder, et qu'il aura arraché de devant toi beaucoup de nations, savoir, les Éthiens, les Gergasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éviens, et les Jébusiens, cette nation plus grande et plus puissante que toi, et que l'Éternel ton Dieu te les aura livrées. Alors tu les frapperas, et tu ne manqueras point de les détruire à la façon de l'interdit, tu ne traiteras point alliance avec eux, et tu ne leur feras point de grâce. Tu ne t'allieras point par mariage avec eux, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car elles détourneraient de moi tes fils, et ils serviraient d'autres dieux, ainsi la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous, et t'exterminerait tout aussitôt. Mais vous les traiterez en cette manière, vous démolirez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous couperez leurs bocages, et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Car tu es un peuple saint et l'Éternel ton Dieu t'a choisi, afin que tu lui sois un peuple précieux d'entre tous les peuples qui sont sur l'étendue de la terre, ce n'est pas que vous fussiez en plus grand nombre, qu'aucun de tous les autres peuples, et qu'à cause de cela l'Éternel vous ait aimé, et vous ait choisi, car vous étiez en plus petit nombre qu'aucun de tous les autres peuples. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime, et qu'il garde le serment lequel il a fait à vos pères, que l'Éternel vous a retiré à main forte, et qu'il t'a racheté de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Connais donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu, le Dieu fort, le fidèle, qui garde l'alliance et la gratuité jusqu'à 1000 générations à ceux qu'il aime, et qui garde ses commandements. Et qui rend la pareille à ceux qui le haïssent, qui la rend à chacun en face, pour les faire périr, il ne la gardera pas longtemps à celui qui le hait, il lui rendra la pareille en face. Prends donc garde aux commandements, aux statuts, et aux droits que je te commande aujourd'hui, afin que tu les fasses. Et il arrivera que si après avoir entendu ces ordonnances, vous les gardez et les faites, l'Éternel ton Dieu te gardera l'alliance et la gratuité qu'il a juré à tes pères. Et il t'aimera, et te bénira, et te multipliera, et il bénira le fruit de ton ventre, et le fruit de ta terre, ton froment, ton moût, et ton huile, et les portées de tes vaches, et des brebis de ton troupeau, sur la terre qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples, et il n'y aura parmi toi ni mâle ni femelle stérile, ni entre tes bêtes. L'Éternel détournera de toi toute maladie, et il ne fera point venir sur toi, aucune des mauvaises langueurs d'Égypte que tu as connues, mais il les fera venir sur tous ceux qui te haïssent. Tu détruiras donc tous les peuples que l'Éternel ton Dieu te livre, ton œil ne les épargnera point, et tu ne serviras point leur Dieu, car ce te serait un piège. Si tu dis en ton cœur, ces nations-là sont en plus grand nombre que moi, comment les pourrais-je déposséder? Ne les crains point, mais qu'ils te souviennent bien de ce que l'Éternel ton Dieu a fait à Pharaon, et à tous les Égyptiens, de ces grandes épreuves que tes yeux ont vues, des signes et des miracles, et de la main forte, et du bras étendu par lequel l'Éternel, ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte, ainsi fera l'Éternel ton Dieu à tous ces peuples desquels tu aurais peur. Même l'Éternel ton Dieu enverra contre eux des frelons, jusqu'à ce que ceux qui resteront, et ceux qui se seront cachés de devant toi soient péris. Tu ne t'effrayeras point à cause d'eux, car l'Éternel ton Dieu, le Dieu fort, grand, et terrible, est au milieu de toi. Or l'Éternel ton Dieu arrachera peu à peu ces nations de devant toi, tu n'en pourras pas d'abord venir à bout, de peur que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Mais l'Éternel ton Dieu les livrera devant toi, et les effrayera d'un grand effroi, jusqu'à ce qu'il les ait exterminés. Et il livrera leur roi entre tes mains, et tu feras périr leur nom de dessous les cieux, et personne ne pourra subsister devant toi, jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Tu brûleras au feu les images taillées de leurs dieux, et tu ne convoiteras ni ne prendras pour toi, l'argent ou l'or qui sera sur elles, de peur que tu n'en sois enlacé, car c'est une abomination aux yeux de l'Éternel ton Dieu. Ainsi tu n'introduiras point d'abomination dans ta maison, afin que tu ne sois pas en interdit, comme cela, mais tu l'auras en extrême horreur, et en extrême détestation, car c'est un interdit.